DPH Team, H Team, écoute ça, écoute ça. Non, pas de stylo correcteur, chacune de mes paroles valent de l'or, hors pair sous les projecteurs. Pas de stylo correcteur, chacune de mes paroles valent de l'or, hors pair sous les projecteurs. Tu vois qu'en fait, je suis une bête, c'est un fait. DPH Team, dans ta fête, c'est pas vrai. J'ai la tactique timide et mes flots rendent timide. Qui aurait cru qu'il canonnera pas moins de 2 piges? Non, c'est vrai, je te jure, je ne mens pas. Demande à ma team, DPH frère, on n'égale pas. À écouter de nos jours, le rap est rempli de schizophrène, mais y'a que des gars qui font rapper leur doux parce qu'ils ont la flemme. Trop d'extravagance et final fantasy, y'a de la riposte, extra vengeance. Laissons donc place aux dernières fantaisies. Je les entends dire, ouais, mon gars, naufragé. On sait qu'en serait chez vous, c'est les Sims naufragés. Ça parle beaucoup, ça joue les bonhommes à la 7 gecko. Mais ça ne dira pas que ce petit bonhomme passe à 7 gecko.